Bien, alors je propose maintenant qu'on aborde la dernière conférence de cette journée, qui est celle d'Estelle Ferrarez. Donc Estelle Ferrarez est maître de conférence en sciences politiques à l'Université de Strasbourg et elle est chercheuse au laboratoire Culture et Société en Europe. Et donc elle a écrit un ouvrage sur Niklas Luhmann, une introduction à la lecture de Niklas Luhmann. Et ses thèmes de recherche tournent autour des luttes pour la reconnaissance, des théories de la démocratie, en particulier théories de la délibération et de l'espace public. Elle travaille aussi sur les théories de la vulnérabilité et les théories sociales allemandes, en particulier la théorie critique et la théorie des systèmes. Des articles nombreux sur les blessures morales, la lutte pour la reconnaissance, la vulnérabilité, le care, la discrimination, la théorie de l'espace public et les questions du genre. Et sa conférence de ce soir s'intitule « La reconnaissance empathique sur les réticentes relations de la théorie de la reconnaissance et des sentiments moraux ». Merci. Alors depuis 7 ou 8 ans que je donne des communications, je ne m'étais jamais arrivé de passer en dernier. J'étais plutôt contente et je vous confirme maintenant que je le suis, que c'est absolument horrible comme position. Je suis désolée de vous infliger ce que je vais vous infliger. Donc, je vais tenter, en dépit de la fatigue et de la chaleur, d'explorer avec vous la relation, on va dire pour le moins complexe, de la reconnaissance et de l'empathie, à l'intérieur donc d'une tradition particulière qui est celle de la théorie critique, donc pas la théorie de la reconnaissance en général, mais celle de la théorie critique. Histoire qui, je vais appréhender dans une... En fait, la plupart du temps, en traitant de concepts voisins, pour la bonne raison que le mot empathie n'apparaît presque jamais. Via des intuitions morales, des sentiments moraux, des émotions qu'on peut lier à des questions morales et avec lesquelles la théorie critique a développé, on va dire, des liens ambigus. Alors, à première vue, la reconnaissance semble impliquer de se mettre à la place d'autrui pour faire droit à ses attentes. Donc elle laisse supposer une articulation aisée avec une empathie entendue comme, et là c'est une définition qui est une proposition d'Alexis dans l'appel à communication, donc c'est pas celle que je vais utiliser plus tard, mais bon, donc a priori ça pourrait fonctionner, une empathie entendue comme compréhension des représentations et des affects d'autrui. Pourtant, c'est davantage la réticence que l'évidence, comme j'ai commencé à le dire, qui caractérise la relation de la théorie de la reconnaissance à l'empathie. Alors, donc, comme outil, je vais partir d'une définition de l'empathie. Donc, on l'a vu hier, surtout, et un petit peu aussi aujourd'hui. Bon, la façon dont le concept part un petit peu dans tous les sens est juste comme outil. Je vais partir d'une définition particulière, qui est celle de Martin Hoffman. Qui propose de poser l'empathie comme une forme d'identification à autrui, identification qui ne signifie pas fusion. C'est quelque chose qui est différent de l'idée de contagion, que par ailleurs on a vu hier matin, traité par certains intervenants. Donc là, il suppose le maintien de la capacité à distinguer entre soi et l'autre. Elle implique des affects appropriés à la situation de la personne qui est l'objet de l'empathie. Ce qui peut signifier que l'on ressent de l'empathie, non pas en écho à des sentiments réels des gens, mais en écho à des sentiments qu'ils pourraient éprouver ou devraient éprouver dans la situation dans laquelle ils sont placés. Donc si vous voulez, c'est un petit peu la définition minimale dont je vais partir, tout en gardant bien à l'esprit qu'il y a au moins deux dimensions en général dans toutes les discussions autour de l'idée d'empathie. Pour l'instant, je les laisse de côté, je les problématise simplement. Donc c'est cette identification. Et d'autre part, c'est un volet, on va dire, motivation à agir. C'est-à-dire que parfois, par certains auteurs, est impliquée l'idée que dans l'empathie, il y a une partie prenante qui serait une sorte d'incitation à agir de manière appropriée en réponse à ce qui a été perçu dans l'identification. Encore une fois, ce n'est pas ce que dit tout le monde, mais je préfère donc poser les choses telles qu'elles m'ont préoccupée au départ. Alors, traiter des liens entre reconnaissance et empathie me semble obligé à envisager trois entrelacements ou enlacements possibles. Alors, soit la reconnaissance coïncide avec l'empathie. Alors, à ce moment-là, ça revient à faire de la reconnaissance un phénomène non rationnel bon, peut-être pas non intentionnel, mais en tout cas relativement, oui, non intentionnel, disons. Donc, mais auquel cas, faire coïncider reconnaissance et empathie, ça signifie que c'est l'affect inhérent au mouvement empathique qui comble les attentes de reconnaissance. Ok, c'est dans un même moment, les deux choses sont en quelque sorte écrasées l'une sur l'autre. Premier aspect, et ça on va peut-être le trouver donc dans, moi je vous allez voir dans Honnête, dans la première partie de son œuvre. Bon, deuxième possibilité, la reconnaissance est précédée par un moment empathique, auquel cas là on a plutôt une approche de l'empathie comme saisie pour sa force motivatrice. Hein, c'est-à-dire que là la reconnaissance devient en quelque sorte un acte moral qui est rendu possible ou encouragé par un certain mécanisme donc qui viendrait se loger dans l'empathie. Et donc ça va plutôt être en fait quelque chose qu'on va trouver par exemple chez Honnête de la réification dont on parlait ce matin. Alors, il y a une troisième possibilité que je me suis posée. Donc on pourrait aussi penser que l'empathie est au contraire précédée d'une reconnaissance. C'est-à-dire, j'étais obligée d'envisager la chose, c'est un petit peu compliqué, mais je vais pas le traiter là, parce que je crois pas que c'est ce qu'on trouve chez les gens de la théorie critique, mais c'est quelque chose, à mon avis, que par exemple on va trouver chez Butler. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce cas-là, on a donc, premièrement, une reconnaissance, mais donc une sorte de reconnaissance qui serait donc pré-épistémique, hein, donc qui précéderait quelque chose de nature émotionnelle. Et auquel cas, on se retrouverait, alors je pense, pour qu'on puisse imaginer ce renversement, avec une définition donc, de la reconnaissance, on va dire, relativement fine, comme une sorte de simple visibilisation. c'est-à-dire, en fait, quelque chose, une forme de reconnaissance qui serait, au fond, ce qui est rendu reconnaissable. Je ne sais pas comment expliquer la chose, c'est-à-dire que la reconnaissance ici devient en fait la distinction entre ce qui est reconnaissable et ce qui ne l'est pas. Butler parle de ça, c'est-à-dire qu'en fait, elle dit, par exemple, bon, sur la question de la vie, on ne rencontre jamais en fait une vie vis-à-vis de la précarité de laquelle on va ressentir une forme d'empathie, enfin elle parle pas de mot empathie, mais bon, disons comme ça, c'est-à-dire en fait on ne la rencontre pas dans sa précarité. Cette rencontre n'advient pas, mais elle est socialement construite. Donc si vous voulez, en quel cas, là c'est la construction sociale en quelque sorte, qui rend possible l'empathie, qui elle-même peut en quelque sorte être intitulée reconnaissance, au sens que c'est quelque chose qui est donc, on a rendu reconnaissable certains corps, par exemple, certains individus, etc., etc. Donc si vous voulez penser donc, la reconnaissance avant comme précédant l'empathie, à mon avis, ça revient à poser quelque chose de ce type-là. Mais comme je dis, je l'écarte parce que je ne pense pas le trouver dans la théorie critique. Alors, on peut encore complexifier certainement le modèle, bon, en considérant que dans les trois formes que je viens de décrire, la relation établie peut être descriptive, c'est-à-dire en fait, nous sommes en train de décrire une simple nécessité logique, ou voire physiologique, ou bien en fait il s'agit d'une relation de type normative, c'est-à-dire que pour que l'on puisse parler au sens plein de X, l'un des deux, il faut que Y précède, soit précédé de, ou coïncide avec. Ok, donc la chose est un petit peu plus complexe que ce que je viens de poser, mais bon, c'était simplement pour tenter donc de vous, encore une fois, de problématiser les relations possibles. Alors, je vais donc maintenant passer à l'examen donc de quelques auteurs, donc de quelqu'un dont j'aime en général bien rappeler qui fait partie de la théorie critique, parce que c'est vrai que maintenant on a un tel succès en France qu'on considère que la théorie critique c'est lui. Bon, donc moi je vais vous parler d'Habermas. Et donc là pour ce cas particulier, tout à l'heure je vous parlais d'histoire complexe en fait de la théorie de la reconnaissance et de l'empathie, et eh bien chez Jürgen Habermas la reconnaissance est en quelque sorte explicitement conçue contre l'empathie. Donc là si vous voulez c'est quelque chose qui échappe complètement à ce que je viens de vous montrer. Bon, je suis partie à quelle heure là donc, jus à pile. À pile, d'accord. Donc, si vous voulez, Habermas a réfuté explicitement de nombreuses reprises, de manière générale, le recours aux affects dans beaucoup de dimensions de la vie sociale, de la réflexion, Et ça, donc, notamment en introduisant donc une rupture certaine avec ses propres prédécesseurs, donc Adorno, Horkheimer en particulier, qui ont développé bon ce qu'on peut appeler un regard micrologique. Bon, c'est une expression qu'Adorno utilise assez fréquemment pour parler de Benjamin, c'est-à-dire en fait quelque chose qui n'est certainement pas de l'empathie, mais qui relève d'une attention pour le particulier, d'une attention notamment à celui qui souffre, c'est-à-dire en fait d'une sorte de mouvement consistant à se mettre à la place d'eux, et ce, en fait, y compris pour le théoricien. Donc c'est la mode d'approche qu'Habermas a expressément rejetée. Parce que ce qui est saisi d'après lui de cette manière échappe à la conceptualisation, ainsi qu'il l'a précisé à propos de certaines approches inspirées par Benjamin, par exemple, qui renvoient, dit-il, à la contingence d'événements non conceptualisés. Par ailleurs, donc il y a quelque chose, et là c'est l'unique en fait occurrence du mot empathie, donc Einfühlung, que j'ai trouvé chez lui. Bon, je ne vais pas vous dire que j'ai tout vérifié, mais c'est ses écrits principaux. Donc en fait, un moment où il fait allusion à l'idée d'empathie, c'est en fait en référence donc à Gehlen et Chelsky. Donc en fait, dans une en référence, donc comme vous le savez, sans doute un courant d'anthropologie philosophique allemande, dont une partie a dérivé, on va dire, vers un conservatisme, voire un appui au nazisme assez problématique pour Habermas. Et donc en fait, c'est là qui va trouver la preuve que le recours à l'empathie est quelque chose qui a des conséquences néoconservatrices, je cite, au cœur duquel donc l'empathie est un rouage central. Il parle donc de toutes ces tendances qui renvoient à une forme de réenchantement, une narration non argumentative, une littérature édifiante, une donation de sens et un historicisme pratiquant l'empathie. Voilà. Donc sur cette hostilité, cette déclaration de prise de distance, en tout cas avec des gens qui l'ont précédé ou d'autres avec lesquels il s'est opposé. Donc il va développer donc notamment une conception de la vie en commun comme radicalement coupée d'un point de vue, s'il pense de manière normative, des affects en général. C'est-à-dire qu'en fait il développe, bon mais ça c'est bien connu, une conception non seulement de la régulation des affaires communes, mais de l'être ensemble lui-même, dans la discussion et l'espace public. C'est-à-dire qu'en fait, la discussion et l'espace public suffisent à créer de l'être ensemble. Donc, il n'y a aucune attente qui pèse sur les individus en termes de bienveillance, vertu vis-à-vis de leurs concitoyens, sollicitude, et encore, a fortiori, sollicitude, pardon, empathie. De même, il n'a pas de place pour les émotions chez lui dans la constitution du jugement moral, car elles n'offrent aucune garantie que l'action qu'elles enjoignent soit une action moralement appropriée et justifiable. Donc par ailleurs, Habermas a développé un intérêt réel et précoce à la théorie du care, au point de prendre en considération certains arguments de la longue polémique qu'il y a eu entre Gilligan et Kohlberg, qui va l'amener donc à développer ce qu'on appelle la procédure d'adoption idéale de rôle, qui permet une prise en compte significative des particularités subjectives et contextuelles donc au sein de l'espace public et notamment des discussions morales. Et donc c'est une manière pour lui de prendre au sérieux la question de la nécessité d'un complément à la justice dans une morale universaliste. Bon, donc là, encore faut-il bien s'entendre sur le sens de ce mouvement, c'est-à-dire cette adoption idéale de rôle, mais est là quelque chose qui n'a rien à voir avec l'empathie, donc j'insiste. Cet exercice de prise de rôle, donc il s'appuie sur un modèle qui est proposé par Mead, exige que chacun se mette à la place de tous ceux qui seraient concernés par la mise en pratique d'une norme et d'une décision. Donc c'est un processus qu'il qualifie d'intercompréhension. Mais cet exercice n'est guidé par aucune émotion ni participation affective. C'est-à-dire que cet exercice de prise de rôle est postérieur à des discussions. Les discussions ne peuvent être remplacées par des discussions qui ont lieu de manière intériorisée dans la solitude de l'âme, dit-il. Donc en fait, on ne peut pas se mettre à la place de l'autre sous la forme de discussion qu'on aurait avec un autre qu'on recréerait. C'est vraiment en fait la confrontation réelle avec l'argumentation. Donc si vous voulez, il faut bien comprendre cette idée d'adoption de rôle comme quelque chose qui donc complètement d'abord rationnel, qui passe par une argumentation et qui implique non pas de prendre la place de l'autre, mais au contraire, en fait, en quelque sorte, de le laisser rester à sa place, en écoutant ses arguments, pour le dire comme ça. Quid alors de la reconnaissance, me direz-vous, puisque Habermas a une théorie de la reconnaissance. Lui aussi donc va considérer, enfin, on retrouve la prohibition de l'émotion dans le mécanisme de reconnaissance lui-même. C'est-à-dire que Habermas a une conception relativement étroite de la reconnaissance comme étant portée par la discussion elle-même. Donc, d'après lui, au cours de la discussion, c'est-à-dire dès le moment où on accepte de rentrer dans la discussion, bon, ce qui implique qu'il est bien conscient du problème, est-ce qu'on accepte ou pas de rentrer dans la discussion, hein, mais à partir du moment donc où l'on accepte d'entrer dans la discussion, au cours de celle-ci s'opère une constitution réciproque en sujet autonome et responsable par le simple fait d'élever et de défendre des prétentions à la validité, de les soumettre au jugement d'autrui et d'interpeller celui-ci comme quelqu'un qui peut légitimement me répondre, approuver, critiquer, etc. Donc cette reconnaissance qu'il y a dans le fait d'accepter d'adresser la parole et donc qu'on réponde à ma parole, est quelque chose qui est intrinsèquement porteur de reconnaissance chez Habermas. Et donc c'est... Bon, il y a quelque chose d'un peu plus compliqué chez lui par rapport à la reconnaissance, une forme... Mais bon, je vais passer parce que je pense pas que j'ai tellement le temps. Mais bon, grosso modo, en fait, l'essentiel de sa théorie de la reconnaissance, et là, c'est un mécanisme qui fonctionne sans recours à la compassion, à la bienveillance, à l'empathie. Voilà. Sans aucune autre obligation que celle qui touche à une discussion exempte de contraintes, c'est-à-dire principalement celle du meilleur argument. C'est-à-dire que la seule chose qu'on attend de vous, c'est d'accepter de vous incliner devant un argument meilleur que le vôtre, pour le dire de manière simple. Alors, dans ce sillage, je vais parler de quelqu'un qui fait partie de la théorie critique en sens un petit peu plus large, dans la mesure où elle n'est pas allemande, mais c'est Nancy Fraser. Qui a adopté une position tout aussi radicale quant au nécessaire découplage de la reconnaissance et des affects en général. Elle se donne explicitement comme finalité de décentrer la psychologie morale, je suis en train de citer, ce qui s'opère à un double niveau. D'une part, elle défend la thèse que nous n'avons jamais accès à une expérience morale qui ne soit pas médiatisée par des discours normatifs. Et d'autre part, seules les revendications qui parviennent à passer le test de la justification publique peuvent prétendre à une valeur politique ou à une valeur dès lors qu'il s'agit de discussion sur ce que c'est que la justice. Donc on ne peut pas se référer à quelque chose qui serait... déjà, on ne peut pas se référer à quelque chose qui précéderait l'argumentation ou le discours. De toute façon, ça n'existe même pas, en fait. C'est un petit peu ça la position de Nancy Fraser. Alors, par ailleurs, une autre façon qu'elle a, en fait, de mettre de côté les affects, c'est en insistant énormément sur une façon de penser, notamment le déni de reconnaissance, comme quelque chose qui... Et le résultat de relations sociales institutionnalisées de subordination. C'est-à-dire que c'est cette question du déni de reconnaissance comme non pas ce qui advient dans l'intersubjectivité, mais en fait ce qui est porté par les institutions. Alors ça peut être des institutions au sens large, pas forcément l'État ou le Conseil constitutionnel, mais c'est quelque chose en fait qui notamment... Enfin, on va se retrouver avec une définition pratiquement des institutions comme ce qui... l'endroit où se sédimentent, en fait, des rapports de reconnaissance et en même temps de domination, donc peut-être de déni de reconnaissance, hein, si vous voulez. Et c'est là, en fait, c'est là-dessus qu'elle va se focaliser. D'où, en fait, elle développe une conception, j'allais dire, la plus politique de toutes celles que je vous présente, de la reconnaissance... Et par là, en fait, elle réfute, j'allais dire, l'articulation négative de la reconnaissance et de l'empathie, en ce sens que faire coïncider les deux termes impliquerait que le déni de reconnaissance se ramène à une absence d'empathie. D'accord ? Parce que si vous dites que les deux choses fonctionnent, alors l'inverse, okay, le déni de reconnaissance, alors devient une absence d'empathie. Ce qui revient, et c'est ça en fait le fond de son propos, à dénier la force propre des structures, la manière dont les relations de pouvoir peuvent se sédimenter en relations de domination, les effets de reconnaissance par opposition aux actes de reconnaissance produits par les institutions, etc. Donc si vous voulez, bon là je suis obligée de passer vite, mais c'est en quelque sorte le contre-pied complet de tentatives qu'on peut trouver chez des gens qui tentent de penser vraiment l'empathie à la fois en l'articulant à une théorie morale et à une théorie politique. Moi je pense à des gens comme Michael Slott par exemple, qui en fait ont vraiment une position systématique de, enfin, comment est-ce qu'on peut penser la justice par rapport à l'empathie, et à partir de là pensent qu'on peut comment dire, envisager à quel point une loi, enfin on peut penser la justice et la justesse d'une loi en mesurant en quelque sorte le niveau d'empathie dont elle témoigne vis-à-vis donc des personnes qui sont concernées par cette loi. Et donc là, si vous voulez, ça rend je vais citer, parce que le vocabulaire de l'empathie de ce coup permet de rendre compte des différentes formes d'injustice sociale, dans la mesure où les élites et les groupes dominants qui refusent d'accorder à certains individus ou groupes dominés des droits politiques sont motivés par l'avidité et l'égoïsme. Voilà. Donc là, si vous voulez, on se retrouve en fait avec, en quelque sorte, une conception, donc, si vous voulez, de l'injustice comme ramenée, si vous voulez, à des problèmes de déni d'empathie, bon, ce qui donc chez nous redeviendrait déni de reconnaissance. Et donc ça, c'est vraiment à ça que s'oppose Nancy Fraser, quoi. C'est-à-dire que si on calque empathie et reconnaissance, on est obligé de calquer les deux dénis, et à partir de là, donc, de juger des dénis de reconnaissance et des injustices, en laissant de côté complètement tout ce qui ne relève pas de la malveillance, de la méchanceté, de l'égoïsme, etc., et qui n'en a pas moins des effets en termes de subordination. Voilà. Bon, donc il me reste 10 minutes, je pense, pour parler peut-être du plus important, c'est-à-dire Axel Honneth. Alors, Axel Honneth a toujours été quelqu'un qui a démontré une mocilité bien moindre aux affects que celle proposée par nos deux précédents personnages. Il y a d'abord, donc dans la lutte pour la reconnaissance, le livre donc, la référence qui est faite à, donc dans la première sphère de reconnaissance, donc comme vous le savez brièvement, il considère que nous avons des attentes de reconnaissance qui dans trois sphères différentes: la sphère de l'amour, la sphère des droits et on va dire la sphère de l'estime sociale, c'est-à-dire tout le type de reconnaissance qu'on soit de la société. Bon, voilà. Et donc c'est la première en fait où on va se retrouver à quelque chose qui pourrait se révéler plus ou moins proche de l'idée d'empathie à première vue comme ça. Parce qu'en l'intérieur de cette sphère, il parle de devoir d'assistance émotionnelle supposant, je cite, une attention affectionnée, prêtée aux attentes et aux besoins de l'autre. Donc là, si vous voulez, on est très proche, et là, c'est d'où un certain nombre de discussions qu'on a eues avec la théorie du care, hein, on se retrouve relativement proche de l'idée de sollicitude qui est défendue par la théorie du care. Mais, en fait, c'est quelque chose qui est extrêmement limité pour Honneth. Il s'empresse d'ajouter que la reconnaissance affective ne peut faire l'objet d'une généralisation. Alors, c'est-à-dire que, bon, évidemment, c'est ce qu'on va trouver à l'intérieur donc, de la sphère familiale ou dans les relations d'amitié. Mais elle ne peut être en dehors de ces relations, elle ne peut être au mieux que le lieu d'une normativité morale restreinte à une vulnérabilité extrême. Je cite, une obligation de soins et de sollicitude ne peut exister que lorsqu'une personne se trouve dans un état de besoin et de détresse si extrême que le principe moral d'égal traitement ne peut lui être appliqué de manière équilibrée. Au moment où autrui est reconnu comme être humain égal parmi les autres, en ceci qu'il est en mesure de participer aux discussions pratiques, la relation unilatérale de sollicitude doit cesser. Une attitude de sollicitude n'est pas acceptable vis-à-vis des sujets qui sont en mesure d'articuler leurs croyances et leurs opinions publiquement. Bon. Je je vais être obligée, je pense, de sauter. La façon dont, malgré tout, en fait, si vous voulez, sa théorie de la reconnaissance, enfin, sans renvoyer à vraiment donc de l'empathie, de la sollicitude, de la bienveillance, bon, enfin, un certain nombre de concepts proches, n'entissent pas moins les émotions dans une trame qui est celle de, enfin, qui va être celle de la morale et de la connaissance morale, hein, puisque bon, en fait, il va considérer que toutes les luttes sont liées à des motifs moraux. Donc, si vous voulez, mais ça, j'ai pas le temps. De toute façon, c'était pas exactement de l'empathie non plus, donc on est tombé. Donc, comme je disais, là, à ce moment-là, on se retrouve dans cette première version qu'il nous donne avec ce que j'appelais en fait mon premier modèle. Là, on a en fait de la reconnaissance qui coïncide exactement avec de l'empathie. C'est quelque chose de beaucoup plus complexe qui va développer, donc dans la réification, le livre dont on a déjà parlé ce matin avec Alexis, où là, je pense que ça fonctionne à plusieurs niveaux. L'échange de perspectives. Ce qui l'intéressait dans la lutte pour la reconnaissance, c'était en fait en quelque sorte la perspective de celui qui reçoit la reconnaissance, qui l'attend, qui la demande. Puis là en fait il va passer en quelque sorte du côté du donneur de reconnaissance. Et là en fait, avec cette idée de réification, il va tenter de saisir une sorte de vulnérabilité du donneur de reconnaissance. C'est-à-dire qu'avant il était préoccupé par la vulnérabilité qui est partagée. Qui est la nôtre vis-à-vis donc de reconnaissances qui, si elles ne viennent pas, vont faire que nous avons un rapport à nous-mêmes déformé, etc. Mais là, le problème, c'est au contraire une sorte de vulnérabilité à certaines organisations sociales, structures sociales, et qui vont peut-être placer le donneur de leur reconnaissance dans l'impossibilité donc de donner cette reconnaissance, ce qui va appeler donc la réification. L'individu donc se trouve incapable de se prendre une certaine posture, celle de la reconnaissance, dont il a pourtant, et ça c'est assez intéressant, lui-même besoin pour se constituer. Donc, désormais il appelle reconnaissance, ce qu'il va considérer, ce qui a fait l'objet de beaucoup de critiques, une forme originaire de rapport au monde. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui serait premier. Il dit que nos actions ne possèdent pas primordialement le caractère de la posture cognitive, affectivement neutre, par rapport au monde, mais plutôt celui d'une attitude affirmative, colorée existentiellement. Toujours, nous attribuons aux éléments qui nous environnent une valeur propre, qui fait que nous nous soucions de notre relation à eux. Donc en fait, c'est quelque chose qui va fonctionner, pas seulement pour les individus, mais aussi pour les objets. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui, donc pour lui... donc il va se livrer à toute une justification d'autogénétique sur la façon dont en fait d'après lui l'enfant apprend à se rapporter au monde objectif, donc composé d'objets, seulement dans la mesure où il adopte la perspective d'une seconde personne, donc d'abord les parents. Donc avec ce raisonnement, en quelque sorte il va arriver à sa conclusion, qui est la reconnaissance précède la connaissance. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'accédez à la connaissance, y compris des objets, que parce qu'il y a eu un premier moment en fait, de reconnaissance définie, comme je viens de le faire, qui est donc cette espèce d'engagement, une posture, hein, si vous voulez, qui est une attitude affirmative vis-à-vis du monde. Donc, pour mettre ça en évidence, il a recours à un assez long développement où il va faire appel, donc, comme il a été dit ce matin, à des gens comme Dewey, Lukács, Cavell, et donc une certaine conception de la reconnaissance, mais cette fois-ci, enfin, c'est la traduction d'un mot un peu différent, c'est acknowledge chez Cavell. De là, en fait, il va tirer l'idée, donc, d'une il va l'appeler la reconnaissance primordiale, ou la reconnaissance préalable. Là, il y a des gros problèmes de flottement en termes de vocabulaire. Il parle aussi d'identification préalable. C'est pour ça que le mot empathie, même si, en fait, Einfühlung n'apparaît pas, bon, est plus ou peut-être est relativement légitime. Alors, cette posture n'implique pas d'émotions positives, donc c'est ça que j'avais dit ce matin, quoi. Mais le fait existentiel que nous devons accepter la valeur de l'autre dans cette attitude de reconnaissance. Donc, ça n'implique pas de sentiments positifs ou bienveillants. Donc ça, notamment, il a beaucoup expliqué face à des critiques qu'il avait eues, par exemple, de Judith Butler, donc qui avait considéré que l'essai présente une anthropologie trop optimiste, qui supposerait une sorte de sympathie intersubjective dans la situation initiale. C'est-à-dire, en fait, tout de suite, là, déjà, on serait capable de sympathie, et puis, bon, là, des phénomènes de réification préviendraient cet élan naturel que nous aurions vers l'autre. Et en fait, lui, ce qu'il dit, c'est quand même plus compliqué que ça. C'est ce premier moment donc d'une reconnaissance donc primordiale, c'est quelque chose qui en fait développe une forme de reconnaissance qui se limite en fait à reconnaître l'autre comme simplement mon semblable, donc un être humain, d'accord, et d'autre part donc qui est en même temps la condition de possibilité de ma propre capacité à me laisser affecter. Et de ça en fait va dépendre éventuellement la possibilité pour moi de devenir donneur de reconnaissance au sens plein du terme, c'est-à-dire en fait les trois formes qu'il a développées dans son livre précédent. D'accord ? Donc si vous voulez, on a cette reconnaissance primordiale qui précède à la fois, chronologiquement, mais aussi logiquement, d'accord ? La reconnaissance au sens de la reconnaissance dans la sphère des droits, etc., etc. Donc ensuite, l'adoption rationnelle de la perspective d'autrui est seconde. Donc, elle s'enracine, je cite, dans une interaction antérieure qui possède les traits d'une préoccupation existentielle. Donc, ça prend la forme d'une préoccupation qui, encore une fois, bon, je peux pas vous citer tout parce que mon temps est fini là. Mais donc, une fois cette préoccupation existentielle développée, on peut très bien, après avoir reconnu l'autre en quelque sorte comme simplement mon semblable, le haïr. Hein. Donc, c'est, encore une fois, c'est pas quelque chose qui va. Mais c'est simplement, en fait, à partir de là que je peux me laisser affecter, ou ne pas me laisser affecter. Vous voyez ? Bon. Donc, en quelque sorte, cette première reconnaissance a un caractère non épistémique, et ça, c'est quelque chose sur lequel il insiste. Mais en même temps, elle va représenter, elle se constitue dans le temps comme la condition épistémique de notre capacité à nous orienter vers les raisons de l'autre. D'accord ? Elle-même, elle est non épistémique, mais en fait, ça devient la condition épistémique de notre capacité à nous orienter vers les raisons de l'autre. Donc, pour conclure, non, j'ai fini là. On se retrouve donc dans ce cas-là, à mon avis, avec une forme de reconnaissance en deux temps, dont l'une coïncide exactement avec l'empathie. Donc, et la seconde serait permise par elle. C'est-à-dire qu'en fait, on aurait une forme donc, de reconnaissance bon, qui est donc ce moment d'identification. Mais alors, qui est empathie, justement, c'est pour ça que j'étais partie d'Hoffman, parce qu'il a cette conception relativement étroite de l'empathie, quoi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est peu exigeant, qui justement ne va pas jusqu'à poser des formes de disposition, de motivation à agir de manière morale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conséquences, ça ne vous engage pas à répondre, etc. C'est pour ça que j'étais partie d'Hoffman. Donc en fait, si on veut avoir ce genre de conception relativement étroite de l'empathie, alors ça peut fonctionner assez bien. On peut dire que là, on a, dans cette reconnaissance primordiale chez Honneth, une équivalence entre l'empathie et la reconnaissance premier niveau. Et ensuite, donc, on se retrouve avec, alors là, quelque chose donc, qui se fait en deuxième temps, là, on se retrouve ensuite avec cette empathie qui serait, donc, condition, donc là, ce serait mon deuxième modèle, qui serait condition de la reconnaissance au sens fort, plein du terme, celle, donc, dans les différentes phases. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci. Bien, merci beaucoup pour cette conférence qui clôt notre cycle. Et donc, la discussion maintenant et les questions. Alexis, d'abord. Non, mais plus haut, par contre. Oui, j'aurais évidemment beaucoup de questions qui ont commencé un petit peu. Là, j'ai été très intéressé par l'expression de vulnérabilité du donneur de reconnaissance, qui est intéressante. On parle d'une anthropologie de la vulnérabilité, on parle pas de tout ça. En même temps, presque au fond, alors que pour les théories du CAIR, ça paraît primordial, cette différence entre donner et recevoir, cette image de donner et recevoir la reconnaissance est forcément une bonne image pour cette idée de l'empathie. Est-ce qu'au fond, vraiment le passage qui m'intéresse aussi entre la lutte pour la reconnaissance et la réification, c'est sûr que c'est ça. La différence entre l'empathie dans le premier cas et dans le deuxième, c'est vraiment ce changement de perspective entre celui qui... C'est une question, est-ce que on peut vraiment parler d'un don de reconnaissance est-ce que c'est ça qui se passe dans le changement du statut de l'empathie, dans la lutte pour la reconnaissance et la réification? Non, je pense que c'est l'enjeu. Non, je reparlais de don de manière relativement impropre, je peux vous le dire, dans les deux cas. La question, c'est, bon, surtout qu'il y a une instance et... je sais pas, d'accord, peut-être que c'est donneur et récepteur, c'est mauvais, instance et demandeur, et tout est mauvais, puisqu'en fait, enfin, je sais pas comment... celui qui reçoit, ça me semblait pas mal, parce que ça évite l'idée de demandeur, parce que demandeur, donc, ça signifie qu'il y a quelqu'un qui élabore une demande, ce qui est pas nécessairement le cas. Parce que vous avez des personnes qui sont simplement en attente, parce que vous avez même des personnes qui ont même renoncé à avoir les attentes. Donc du coup, voilà, cette idée de don, alors évidemment le don, on dirait que vous êtes là, vous faites un acte, je te reconnais, bon, c'est vrai que c'est un peu naïf, je peux le... Il y a, notamment parce qu'il y a aussi, comme je disais, pas seulement d'ailleurs dans le cas des institutions, des effets de reconnaissance. C'est-à-dire en fait, de la reconnaissance qui passe sans être donnée et qui est perçue telle comme par les individus, alors même qu'il n'y a pas d'intention qui précède ça. Donc d'accord, le mot don est trop... fait trop référence à déjà deux sujets dotés d'intention, d'accord, ça c'est mauvais, je reconnais. Mais c'est sans doute peut-être... Mais, auquel cas, mais ce que je veux dire par contre, ce que je me défends par rapport à ce que vous dites, c'est qu'en fait, alors je faisais l'erreur dans les deux cas. C'est pas que j'ai dit, ah bon, c'est... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas ça qui est en jeu dans le changement de paradigme. Enfin, c'est pas le changement de paradigme, moi je pense que c'est l'introduction d'un stade qui précède et qui explique la capacité à donner... On peut pas s'en passer. À ne pas refuser la reconnaissance. Voilà. Anna Kaline n'est plus là, heureusement. Il serait content. Il aurait pris en tête le film. Voilà, tout de suite, il aurait dit naturellement que ça va. Il essaye de l'éviter. Il essaye de faire ça. Il y a une question, c'est intéressant là-dessus. Comment on peut éviter cette image du don et de la réception qui devrait être un engagement existentiel et un partage, parce qu'il utilise. Ouais, je sais. Avant, j'utilisais instance. Mais ça renvoie trop à un jugement. Alors, je sais pas. Enfin, justement, dès lors qu'on passe à des fins non épistémiques, c'est... Je sais pas. Là, vraiment, oui, bonne question. Si quelqu'un a des suggestions, je prends, mais... Oui, ok. C'est vrai qu'il y a vraiment un problème à utiliser le mot de donner. Mmh. C'est vrai que don, c'est un peu... Ça parle... donner, recevoir, je pense pas que ça soit problématique, mais caresser... Caregiver, et puis voilà, ça, et c'est évident qu'il y a de la vulnérabilité des deux côtés quand on est sur le cœur. C'est quelque chose qui est très important. Et par ailleurs, c'est vrai que c'est intéressant pour ce qui est du caractère réciproque de la chose, d'un mot qu'on n'aime pas beaucoup, mais que tu as utilisé à juste titre, c'est le mot sollicitude, qui est intéressant parce qu'il contient à la fois la double dimension du don et de la demande, en fait. Donc ça, c'est ce qui aurait pu être intéressant dans l'usage du mot pour parler du cœur, puisqu'il y a comme s'il y avait une sollicitation de la part de celui qui donne, d'une certaine façon, donc c'est intéressant. Et puis, sinon, comme tu as mentionné le nom Stanley Cavell, il est juste à dire que je pense que c'est un bon exemple pour la structure que je trouve très puissante, hein, que tu proposes avec empathie, reconnaissance, avec finalement l'empathie en sandwich entre deux niveaux de reconnaissance. Mais je pense que Cavell est un bon exemple, je pense, de cas où là, on a une reconnaissance qui précède tout le reste, en fait, qui est de cet acknowledgement. Je dis en anglais parce que c'est vrai que ce qui est très important chez Cavell, c'est qu'il n'y a aucune reprise dans la reconnaissance, il n'y a aucune connaissance non plus, puisque c'est quelque chose qui va être préalable, en fait, à tout contact avec autrui, et quelque chose qui peut tout à fait être une reconnaissance donc d'autrui comme autre différent et même très éloigné, donc qui pourrait tout à fait exclure en fait une forme d'empathie, en fait, tu vois, même une espèce de respect indifférent, ça veut dire c'est des choses qui existent. Alors c'est peut-être des affects minimaux, hein, je sais pas, je peux peut-être le voir comme ça, mais moi, je pense qu'en tout cas chez lui il y a vraiment ça comme niveau premier, premier et minimal, voilà. Peut-être refusé aussi. Est-ce que. Oui, vas-y. Enfin, non, je pense que c'est un commentaire. Mais honnête, le site Cavell, d'ailleurs. Il cite l'acknowledgement de Cavell, d'ailleurs. Oui, oui. Oui, il le cite en disant c'est ça le bon modèle, d'ailleurs, d'accès au sentiment d'autrui. Oui. Ouais. Pardon. Pour moi, c'est une demande d'explicitation. Pour être sûr que j'ai bien compris et bien noté. Les affects en lien avec la reconnaissance, donc dans la lutte pour la reconnaissance dans la première sphère, dans l'amour, il y a de la sollicitude. C'est comme ça traduit en français, oui. C'est traduit comme ça, mais donc elle est, tu as dit un moment, elle est limitée, sa portée est limitée. Sa portée normative, oui. Sa portée normative est limitée, elle ne vaut que pour une catégorie de grands vulnérables ou. Et que donc c'est pas un affect ou un lien qui peut unir ou relier deux égaux, c'est ça que ça veut dire, ou deux personnes ou deux groupes en position d'égalité. C'est pas qu'il ne peut, c'est qu'elle ne doit pas. Elle ne doit pas. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment, en fait, il emploie le mot reconnaissance, c'est-à-dire que dès lors qu'une forme de reconnaissance de type égalitaire entre deux sujets a même d'argumenter, puisqu'en fait, il se trouve lui-même de certaine manière dans le paradigme communicationnel, enfin même s'il y a des changements par rapport à Habermas, mais bon, il vient quand même de là. Donc, dès lors qu'on peut se retrouver avec des sujets qui peuvent être définis comme tels, alors la relation de sollicitude, en fait, doit stopper. C'est vraiment, c'est un impératif fort. C'est-à-dire, ça existe dans l'aspect familial, ça existe dans la relation amicale. Ok, très bien. Et c'est bien, et on en a besoin, hein, puisque justement, ces sphères, c'est quelque chose dont nous avons tous, enfin, de la reconnaissance dans chacune de ces sphères, nous en avons tous besoin. Donc, mais la généralisation normative est impensable, et elle est pensée comme perverse. Enfin, à ce moment-là, c'est quelque chose qui aurait des effets pervers. Ouais. Si je peux, je profiterai pour glisser une question. C'est pas tout sur Honnête, en fait, c'est plutôt sur Habermas, sur la position d'Habermas, qui me paraît un peu paradoxal ou un peu bizarre. Cette espèce de valorisation d'un rationalisme à tout craint, qui craint de se confronter à la question des émotions et qui les expulse finalement radicalement de sa théorie de la reconnaissance. On pourrait prendre la question de la façon suivante, en fait, hein, que quelqu'un comme Hoffman dit bien que, au contraire de Sloat, hein, il dit très bien que sur la base d'une théorie de l'empathie, c'est difficile de construire une théorie de la justice. En revanche, il dit qu'il y a un point de fait capital, c'est que même dans le cadre d'une théorie de la justice, on ne peut pas s'en passer. On ne peut pas s'en passer, et on comprend très bien pourquoi, en fait. C'est-à-dire que des formes de déni de justice, et on pourrait tendre d'ailleurs en disant les formes de déni de reconnaissance, dès lors qu'ils provoquent en fait des dommages, on est bien obligé de faire intervenir à un moment ou à un autre des processus empathiques, ne serait-ce que pour comprendre les dommages produits par les dénis de reconnaissance ou par les dénis de justice. Et on pourrait l'appliquer à Habermas en disant, si on est dans une théorie communicationnelle, c'est-à-dire une théorie dans laquelle on attend dans un espace délibératif une avance de raison, le meilleur argument doit effectivement s'imposer sur une base d'un accord téléologique en tant que tel, et que en fait on remplace le discours communicationnel réel par un discours stratégique et qu'on déçoit une attente en fait communicationnelle, on pourrait dire qu'on crée un dommage à autrui, parce que justement ils font de l'Albert sur reconnaissance, sur l'idée de l'égalité finalement de l'engagement des locuteurs, et donc se priver du caractère de l'empathie pour ne pas comprendre le dommage qu'on inflige au locuteur quand on déçoit son attente de reconnaissance, du coup c'est une limite même de sa propre théorie, je trouve, c'est-à-dire que même sans faire de l'empathie un fondement finalement de la genèse morale, il devrait au moins l'utiliser pour comprendre qu'il en a besoin, ne serait-ce que pour savoir qu'il y a un dommage à l'égard d'autrui. Et s'il s'en prive, il ne peut même pas comprendre qu'autrui pourrait éprouver un dommage dans une attente déçue. Parce que il pousse le bouchon tellement loin, Habermas, au fond, je trouve qu'il finit par se priver du service que pourrait lui rendre une théorie de l'empathie, ne serait-ce que pour comprendre l'effet dommageable d'un hydroconnaissance. Ce n'est pas du tout le cas d'Honnête, du coup, parce qu'Honnête, il a complètement compris ça. Mais Habermas, je trouve qu'il s'en prive dans sa théorie communicationnelle. C'est tellement rationaliste en un sens étroit que finalement, en faisant l'économie de ça, il y a une défection. Ouais, en fait, pour ça, c'est parti, j'ai sauté, mais il va tenter quand même de réintroduire quelque chose qui est très loin de l'empathie, mais quand même, il va réintroduire quelque chose qui sera un peu une sorte d'autre de la justice. à un moment donné. Donc en fait, justement, suite au débat avec Kolberg et Gilligan, là, et donc dans lequel en fait il va dire qu'on a besoin d'un autre. C'est-à-dire, il parle lui aussi quand même, malgré tout, d'un sujet qui est vulnérable. Et donc il parle souvent, enfin il y a plusieurs reprises, il parle d'une vulnérabilité constitutive, hein, c'est-à-dire qui est liée au fait que, ben, en l'absence de reconnaissance, justement, notre rapport. Enfin, une capacité de nous comporter en sujet s'effondre complètement. Donc, il est là-dessus. Et donc, à partir de là, il va considérer que oui, il y a ça à prendre en considération, sauf qu'en fait, il ne peut pas l'intégrer à sa conception de la justice et au point de vue moral. Il va considérer qu'il va appeler ça une sorte d'autre de la justice, c'est l'expression qu'il utilise, qui doit être là malgré tout, et auquel c'est très intéressant d'ailleurs. Donc en lui confiant donc, tous les enjeux et toutes les attentes de reconnaissance, et là en fait il s'arrête net, il n'appelle pas ça ni empathie, ni sollicitude, ni bienveillance, ni quoi que ce soit, il va appeler ça solidarité. Et à partir de là, il va même derrière commencer à expliquer, donc c'est beaucoup moins connoté ou c'est connoté complètement différemment, puis il va expliquer aussi qu'il parle de solidarité, qu'il ne faudrait surtout pas comprendre sur la base d'une confiance pré-politique, mais au contraire quelque chose qui serait passé, encore une fois, par la grille donc de l'argumentation et des espaces publics. Donc il y a ça, mais en fait, au dernier moment, il y a coupé le cordon. Voilà. Ouais. D'accord. D'écho, mais qui est peut-être totalement décalé, parce que ma connaissance de la Berma, c'est vraiment très très compliqué. Mais quand vous avez parlé tout à l'heure là, de la vulnérabilité du donneur de reconnaissance, ça m'a fait penser par analogie à tout le courant anglo-saxon de la psychanalyse, où Winnicott, à la suite bien sûr de faire exil, considère que la vulnérabilité est un point fondamental justement de chez le thérapeute pour pouvoir être en empathie ou au moins s'identifier à son patient. Et que ça, c'est un point très paradoxal sur lequel il dit d'ailleurs qu'il faut considérer que tous les paradoxes ne doivent pas forcément être résolus. Alors, je ne sais pas si j'anticipe sur la conclusion de la journée, mais c'est véritablement au centre de sa conception du rapport à l'autre, et notamment chez des sujets qui ont été dépourvus à l'origine de sentiments de reconnaissance, une manifestation de reconnaissance de la part de leur environnement. Ça résonne Ça résonne. Bon, Winnicott, ça fait partie des gens qu'on est allus. Maintenant, par rapport vraiment à ce point que vous proposez, oui, ça fonctionne, mais en même temps, donc si je comprends bien dans ce qui est proposé, de ce dont vous parlez, c'est qu'en fait, donc le thérapeute est conscient de sa propre vulnérabilité. C'est bien ce qui est en jeu. Non. En tout cas, il l'a exploré. Il est surpris, sûrement, à certains moments, de sa propre vulnérabilité au discours de son patient. Et c'est précisément parce qu'il va porter attention à sa vulnérabilité qu'il va pouvoir prendre appui là-dessus et venir en aide à son patient qui quelquefois en est totalement inconscient. Mmh. Oui, je pense pas que ça on trouve chez Honnête, ça, si cette idée du. Bon, ça veut pas dire que ça peut pas s'articuler, mais je pense pas qu'on trouve dans la réification. C'est-à-dire que oui, le donneur de reconnaissance est vulnérable, pour le dire comme ça, mais l'idée c'est pas d'en prendre conscience, ni d'être frappé par ça, ni. Oui, non, mais vous avez raison que ça peut fonctionner. Oui, je pense. Bien, s'il n'y a plus de questions, donc nous terminons maintenant ce débat. Peut-être si Catherine veut ajouter quelques mots. Il y a une petite clôture du colloque, mais qui va être ultra rapide. D'accord. Je vais juste dire quelques mots de pour clore tout ça.